Bonjour, est-ce que vous avez du crabe, s'il vous plaît? Bonjour, est-ce que vous avez du crabe, s'il vous plaît? Bonjour, est-ce que vous avez du crabe, s'il vous plaît? Bonjour, est-ce que vous avez du crabe, s'il vous plaît? Ah, du tourteau, ah, du tourteau, on dit du tourteau. Ah, du tourteau, ah, du tourteau, on dit du tourteau. Ah, du tourteau, ah, du tourteau, on dit du tourteau. Ah, du tourteau, ah, du tourteau, on dit du tourteau. Ah, bon, bah d'accord, alors du tourteau, alors. Du tourteau, ouais, ouais, du tourteau. Mais ça coûte combien, en fait, le tourteau? Hein? Ça coûte combien, en fait, le tourteau? Hein? Le tourteau, ça coûte combien, le tourteau? Ça quand même. Un kilo, un kilo. Bon, un tourteau. Non. Deux tourteaux. Voilà. Deux tourteaux. Hein? Deux tourteaux. Voilà. Deux tourteaux. Hein? Oui. Et au fait, vous êtes la boutique qui est sur le port là, c'est ça? La boutique qui cuit elle-même les tourteaux. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah c'est super.